mania mancule. Papa Buratrasica, papa Pierre Moussouari, père de famille. C'est que l'avenir nous réserve. Koye bakate, koboya mate, koye nos avenir nanga. Lider Kachama, Mawa. Nazali Grel, Yosa Selo, Sayo Mawato, Racheto le Kanga, les jours déjà sont montés. Et Ponzo. Quand le chat n'est pas là, la souris, il y danse. Mais l'amour, s'il n'est pas là, les larmes et tout. Longtemps à où nous sommes complexes. Sauf qu'il est à la cathé, même qu'il est comme un cimetière. Sans le nid, les chutes seront le désert. Anambona, la patronne, Yolan Mateta, Nina Mateta, Iguet de Bakika, Blaise Mawete, la silencieuse. Charlie Chimanga, George Diruma. Fridolin Bokomo, Yabijou et Benemera Palais, Kekenzao, Alain Katanga, Timothée Phénomène. Ah non, qu'un jour, Carlos et Tomatal, Amour Yamara et Kosa la fini, Bajo Matouba, Cancer et Akasa l'Inchignon, Lando Mouzima la Reine, Aïsira ta toujours la guérison, Yija découpé, Loin de toi na Koko Kate, Fomina sa la prisonnée à toi, Kindi, Nono Pouim, Blanchard Londolé, Quel fils un poème, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, pour la première fois, mon âme. Jordan, je pense que Rama Miesi, Papi et Piana. Mais qu'à son fils, mon ami, pour le chasseur avec qui est ma sassi. A bosser dans un autre minaille, Talika Kentere. Talibou Mounaye, pour aller à l'essaye, et puis moi, n'a pas de pâti qui va nous voler la salle. A vous, pour mina, cher, au gagné. Atokena komona mando na sala nyoso kozonga na maboko mangai. Ilembo, ilembo ya mwangai. Shara seta babo lingona nga pese baba gori. Shaki na pena sambe linza mbabo ngola nga tarza. Kona dialoge bie na bagori la samba. Sokia komina shero koganye nini. Atokena komona mando na sala nyoso kozonga na maboko mangai. Ofaso nena liwa soba mana pichu. Oh oh oh. Dada. Annie Dembo de Melasa, Gisèle Zinda. Amour na yo poison secret, on me va qui chaleur a bien la dinama. Exagéré chaleur et bon moi ni volcan, et tout ni maille. Patrick Mumbata, crédible. Comment ma cause? Sans lui faire un ciel qui fait bon ma. Qui tue ma cause? Chouette no combe, ya edo. Amédé Marquette, maître de rato, Zamunda. Il la brésilienne. Papi tomba la roi de Zamunda. Nasina bandi na ngwende ya bolingo na ngai le patre loko la soso vande la kamaki na ye fete ya jure atakolo na ye linga ibaliki moko wakalinga kudude dodo kenite minimu oya kotushe libere timba koka kenite minimu songa mbeli mana bango ngele na nalitui na boya kiyo kango na walisa kiyo komepa silifi matondo na walisa kiyo pare ye erike timba pati elektro zoka garçon de chambre Tangomana Kimaki, Sokia Mona Kinye, Akufana Verite, Chechelis Kele,